aussi arrivé. Laisse tes phares plus de blanc, d'être apposé devant la télé. Les variétés des jeux, présentateurs belle façade. Et pour les infos, c'est pas mieux. Ils sont tous ici, y'a rien qui les arme. Alors tu te demandes, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que ces gens me ressemblent? C'est pas possible, j'y crois pas. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, pas ça. C'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi? C'est comme quand il parle, ça peut paraître étonnant. Il n'y a que vous, il le garde, où ils ont tous les mêmes parents. Ou peut-être qu'il existe une ville présentateur lente, un lieu de mutation génétique, garantie sans accent. Alors tu te demandes, est-ce que la France c'est comme ça? Alors t'écoutes et tu regardes, en tout cas c'est pas chez moi. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, pas ça. C'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi cet embrouille? Mais c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi?